Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Je ne sais pas si vous savez, mais le nucléaire, ça peut être dangereux, mais c'est à coup sûr très cher. Et c'est encore une fois l'EPR de Flamanville, sorte de réplique moderne du tonneau des Danaïdes. Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux. Le temps qui passe sans ton visage, c'est pas heureux. J'aime pas compter, j'aime pas savoir qui gère le jeu. Jouer entre nous, ça reste jouer avec le feu. Au fond des corps, un cœur qui bat, ça se bat vieux. Et les nuages qui scindent le ciel, un peu. Le temps qui passe, ça n'a pas d'âge, ce n'est pas Dieu. Il y aura de quoi faire des histoires, faire des envieux. Et au final, t'auras ta part, t'auras pas mieux. Bonjour Bernard Laponche. Vous êtes polytechnicien, physicien nucléaire et vous représentez l'association Global Chance. Alors, on peut se voir un peu chaque semaine, tous les deux, on se voit à intervalles réguliers au sujet de l'EPR de Flamanville. Là, en l'occurrence, c'est suite à un rapport qui est signé Jean-Martin Folz et qui revient sur la construction de l'EPR de Flamanville. Un EPR qui a déjà coûté des milliards d'euros, qui ne marche toujours pas et on est passé d'un montant initial prévu d'un peu moins de 3 milliards à une valeur probablement supérieure à 12. Pourquoi ? Probablement. Qu'est-ce qui s'est passé en quelque sorte dans cet intervalle de temps ? Mais écoutez, dès le début, ce projet a été présenté à la fin des années 90, hein, 98, 2000, comme la nouvelle merveille. C'est-à-dire ce qu'on pouvait faire de mieux en réunissant les propriétés du meilleur réacteur français de l'époque et du meilleur réacteur allemand. Déjà très difficile de combiner, si vous voulez, deux techniques qui sont proches, mais quand même assez différentes, et d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Alors tout le monde a accueilli avec enthousiasme l'EPR, d'autant plus qu'il répondait à un certain nombre de modifications techniques et de sûreté. Il était plus puissant que les précédents, beaucoup plus complexe et moins cher. Et il devait être construit en 5 ans. Record mondial à la fois sur le plan technique, sur le plan de la sûreté, sur le plan du coût et sur le plan de la rapidité. Et on l'a vendu aux Finlandais avant même que quoi que ce soit soit construit en France. Les Finlandais l'ont acheté parce que c'était un prix très bas, 3 milliards, ce qui était extraordinaire, donc ça a été approuvé en Finlande. Et pareil en France, tout le monde... Il y a eu un débat public sur l'EPR auquel j'ai participé, où il y avait vraiment des critiques tout à fait importantes sur les différents aspects dont j'ai parlé. Mais le Parlement a voté comme un seul homme l'EPR formidable, le gouvernement a décidé l'EPR, c'est parti en 2007, et on a commencé à construire avec comme objectif démarrage en 2012. Dès le début, ça a été la catastrophe. Le béton, c'est quand même pas un truc nucléaire. On fait du béton partout. Le béton a été loupé et il a fallu 4 ans, grosso modo, pour réussir le béton. C'est-à-dire que de 2007, on est arrivé à 2009-2010, enfin 3-4 ans, presque à la période où on aurait démarré. Bon, alors, on a refait le béton. Après, ça a été les soudures. Les soudures, dès le début, on a maintenant des problèmes de soudures, mais dès le début, il y a eu des problèmes de soudures. Alors, le béton, c'est le béton, mais les soudures, par contre, c'est pas des soudures normales, Bernard Laponche. C'est des soudures d'acier, de tuyauteries, certes, qui sont épaisses, mais c'est pas la première fois qu'il y a des tuyauteries épaisses. La cuve, par exemple, du réacteur, il y a des soudures. Les tuyaux du circuit primaire, il y a des soudures. Et tout d'un coup, on s'aperçoit dès le début... Les premiers ennuis, ça a été sur l'enveloppe en acier à l'intérieur de l'enceinte de confinement. Problème de soudure, il faut les refaire. Après, il y a eu des soudures de ce qu'on appelle les consoles qui tiennent le pont roulant. Refaire toutes les consoles. Et on arrive à cette histoire de soudure, de pièces très importantes du circuit secondaire. Et au fur et à mesure, l'autorité de sûreté nucléaire disait, écoutez, non, ça va pas, il faut refaire. Et quand vous refaites, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, et d'où les retards qui se sont accumulés, qui sont bien donnés dans le rapport de M. Folz. Telle année, tel coût, tel délai, tel coût, tel délai, etc. Et ça va comme ça de mal en pis. Et on est encore dans cette situation, puisqu'on a des soudures sur lesquelles il y a une exigence de les refaire, et on ne sait pas encore comment EDF les refera, c'est pas évident, avec robot ou sans robot, et on en a découvert encore depuis, il y a une dizaine de jours, sur les viroles des générateurs de vapeur, enfin une pièce aussi très importante, et ça peut être sans fin. C'est-à-dire que on se dit, il va probablement démarrer un jour, mais maintenant c'est fin 2022, c'est-à-dire 2 ou 3 ans de plus que ce qui était dit il y a quelques mois. Et il est fort possible qu'on découvre d'autres éléments, puisqu'on sait qu'il y a eu justement des falsifications dans certaines pièces. Ah oui, alors ça, c'est pas dit dans le rapport de Jean-Martin Folz, ou c'est dit bizarrement. Il cite ce que les spécialistes connaissent, les dossiers barrés. Qu'est-ce que c'est un dossier barré ? Voilà, ce sont des certificats qui suivaient les pièces. Chaque pièce a un certificat d'origine qui dit « Votre réfrigérateur, il a un certificat qui donne ses propriétés. » Et donc, chaque pièce, surtout dans le nucléaire, est suivie par un certificat. Or, on s'est aperçu, à partir d'avoir trouvé des pièces défaillantes sur le PR, justement, qu'il fallait faire une enquête sur les fabrications de Creusot-Forge, c'est-à-dire la filiale d'Areva qui fabriquait un certain nombre de pièces, dont les couvercles de cubes, etc. En voyant tous ces certificats, on s'est aperçu que un certain nombre d'entre eux avaient 2 petites barres en haut à droite au crayon, d'où le nom de dossier barré. Et en vérifiant, ça voulait dire que les certificats correspondant à ces dossiers barrés, c'était des faux. C'est-à-dire des faux étaient donnés officiellement. C'est très rassurant. C'est honteux. Même les opposants au nucléaire historique n'avaient jamais supposé que dans le nucléaire, il pouvait y avoir des falsifications. Parce que falsification sur un couvercle de cuve, c'est gravissime. C'est-à-dire, s'il casse, vous avez une catastrophe. C'est pas rien du tout. Donc, on découvre ces falsifications et on entre dans un système dans lequel on dit, oui, ces pièces devraient être parfaites. Bon, elles ne le sont pas. Donc, est-ce qu'on les remplace ou est-ce qu'on répare? Et sans arrêt, alors, pour les soudures, on les refait. Dans d'autres cas, on ne refait pas. C'est-à-dire qu'on a un EPR qui déjà, même ayant chaque fois remédié aux défauts, est quand même un peu bancal. C'est-à-dire, s'il démarre un jour, il ne démarrera pas comme la Vénus de Milo. Je veux dire, ce n'est pas terrible. Donc, se pose la question de l'EPR tel qu'il est à Flamanville lui-même, qui est donc, si je puis dire, handicapé d'origine, et qu'est-ce qu'on fait après? Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est un problème gravissime, c'est-à-dire un problème à la fois de politique énergétique et un problème de sûreté des installations. Et là, il y a une responsabilité considérable du gouvernement, du Parlement et des autorités, parce que on comprend très bien qu'EDF dit « moi je veux continuer à construire des réacteurs ». Bon, Orano, qui s'occupe du combustible, etc., veut continuer aussi. Mais la politique, c'est pas simplement de faire plaisir à EDF ou de sauver EDF à coups de milliards, ou de sauver Orano à coups de milliards. C'est de dire, est-ce que dans la politique énergétique française, on continue dans cette espèce de vous savez, le cycliste qui doit continuer, sinon il tombe, comme disait le président d'EDF, à continuer sans que personne regarde la vérité en face. Et quelle est la vérité, selon vous, la vérité, Bernard, c'est que les réacteurs existants, ils vieillissent, il faudrait les arrêter à 40 ans, au lieu de continuer à dire on va mettre du sparadrap sur du sparadrap et arriver à avoir des réacteurs qui intrinsèquement ne sont pas sûrs, c'est-à-dire on sait que ces réacteurs, comme dit le président de l'autorité de sûreté nucléaire, un accident de type Fukushima ou Tchernobyl est possible en Europe. Bon. Alors, vous vous posez la question. L'Europe, ça ne nous intéresse pas, nous, on veut savoir pour la France, Bernard Laponge. Dans la France, la moitié des réacteurs sont en France, grosso modo. Bon. Et donc, on a cette problématique de l'accident, on a la problématique des déchets nucléaires, dont on ne sait pas que faire. Et en plus, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, les alternatives en photovoltaïque et éolien, elles sont beaucoup moins chères. Mais attendez, parce que il faut quand même que vous nous expliquiez, parce que je faisais une boutade sur les réacteurs européens, parce que à l'époque de Fukushima, on nous a dit, oui, mais ça, c'est les Japonais. Oui. En France, ça pourrait jamais arriver. Oui, oui. Mais c'est les mêmes réacteurs. C'est des réacteurs refroidis à l'eau, qui 80% des réacteurs au monde sont de ce type. Et c'est soit d'origine Westinghouse, comme les 58 en France, c'est Westinghouse, c'est pas la filière française, c'est la filière Westinghouse, petit à petit un peu modifié, en particulier pour l'EPR, comme je vous l'ai dit. Et puis, Fukushima, c'est la filière à eau bouillante, mais c'est des réacteurs refroidis à l'eau. Mais là aussi, on nous a dit, oui, mais c'est le tsunami. Oui, c'est le tsunami, mais à Trima Island, où il n'y avait pas de tsunami. Là, aux États-Unis. Aux États-Unis, en 1979, il n'y avait pas de tsunami, il n'y avait pas de tempête, et il y a eu un problème interne, à la fois de conception et de réalisation, c'est-à-dire une panne, et d'exploitation, de façon de conduire le réacteur. Ce qui peut se produire tous les jours dans un réacteur français. Donc c'est le même type de réacteur, qui a les mêmes faiblesses, c'est-à-dire que s'il y a perte de refroidissement, soit du fait de perte d'électricité, soit le fait d'une inondation qui bloque les diesels, il y a l'accident. Donc on se dit, continuer et perpétuer ce genre de filière de réacteurs, pour le 21e siècle, est-ce que vraiment c'est acceptable? Alors c'est pour ça qu'on a fait l'EPR. Mais l'EPR, il est du même type. Lui aussi n'est pas conçu pour avoir une parade à l'accident grave. Simplement, ce qui est dit dans l'EPR, c'est de dire, si l'accident grave se produit, on va mettre des tas de dispositifs pour que ça ne se transforme pas en beaucoup de radioactivité à l'extérieur. Par exemple. Ce qu'on appelle le récupérateur de corium, c'est-à-dire si le cœur fond, ce qui est l'accident de perte de refroidissement, il perce la cuve, mais on a un dispositif très complexe qui l'étale de façon à empêcher qu'il perce la dalle du réacteur. Mais auparavant, il peut y avoir des explosions de vapeur d'eau ou des explosions d'hydrogène, ce qui s'est passé à Fukushima. Là aussi, on dit, mais si l'explosion d'hydrogène ne se produit pas trop vite, on a des recombineurs d'hydrogène. Mais si ça se produit trop vite, alors là, ça marche pas. Donc, si vous voulez, on a un truc extrêmement complexe et qui reste vulnérable. Qui reste aussi vulnérable, dans certains cas, aux agressions externes, etc. Et donc, il faut vraiment une discussion sérieuse, ce qui n'a en fait jamais eu lieu. Les choses se sont entraînées depuis le début des années 70 avec le programme MESMER. On a fait beaucoup trop de réacteurs nucléaires et donc on a un surplus. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu en faire moins mais des plus gros ? Non. On a basé la construction du programme nucléaire français, le programme MESMER, sur le fait que la consommation d'électricité allait quadrupler ou quintupler entre 1975 et 2000. Et donc, il fallait en faire de plus en plus. Et d'ailleurs, on allait exporter des réacteurs, en plus. On n'a pas exporté de réacteurs. La consommation en 2000, au lieu d'être de 1000 milliards de kilowattheures, elle a été de 400 à 450. Et donc, on avait besoin de beaucoup moins de nucléaire. Alors, ce nucléaire s'est accumulé. Et puis, à un moment donné, quand vous en avez trop, vous finissez quand même par arrêter. Et donc, après, on a lancé l'EPR en disant c'est la relance du nucléaire. Et on va encore en exporter. On en a exporté deux en Chine et un en Finlande. Et celui de Finlande, il n'y a pas démarré. Celui de Chine, il a démarré. Voilà. Lorsqu'on évoque un tel dépassement de coûts pour l'EPR, comment cela peut-il se terminer, Bernard Laponche? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, arriver à une situation où ce réacteur pourrait ne jamais être fini, jamais voir le jour? Mais il pourrait. Il pourrait ne jamais voir le jour parce que le couvercle de la cuve du réacteur doit être changé. Parce qu'il est pas bon du point de vue de la sûreté. On a accepté qu'il soit décalé, que son changement soit décalé dans le temps, ce qui est discutable. Mais bon, qu'on fonctionne quelques années avec ce couvercle, il faut le changer. Il était prévu de le changer à 2024, ce qui faisait gagner du temps à EDF. Mais à partir du moment où vous dites qu'à cause des soudures, on démarrerait au mieux fin 2022, il est probable qu'on pourrait faire à la fois la réparation des soudures et le remplacement du couvercle. Mais d'ici là, est-ce qu'il y aura d'autres découvertes sur d'autres équipements? Et donc, la question se pose, effectivement, est-ce qu'on le démarrera, ou en tout cas, est-ce qu'on le démarrera en étant sûr que tout est conforme. Alors, dernière chose, parce que c'est un sujet donc que nous traitons depuis longtemps, puisque les dépassements de coûts sont systématiques pour cette EPR, Bernard Laponche. EDF dit oui, mais c'est un prototype Et c'est normal que sur un prototype, il y ait des dépassements de coûts. Alors ça, c'est scandaleux. Parce que quand il a été vendu, entre guillemets, aux politiques, aux Finlandais et à nous, ce n'était pas du tout un prototype. C'était vraiment le suivant d'une longue série, ce qui est vrai, avec quelques modifications, mais il était livré, clé en main, fabriqué en 5 ans et coûtant 3 milliards. Ce n'était pas un prototype dont on disait, attention, on fait quelque chose de très nouveau, ce n'était pas très nouveau, on fait quelque chose de très nouveau, on sait que ça prendra du temps de le construire, et sur le coup, soyons prudents. Pas du tout, ça a été vendu clé en main, c'est-à-dire comme vous achetez un réfrigérateur ou une machine à laver chez votre supermarché. C'est-à-dire, clé en main, ça veut dire 3 milliards secs, et tout ce qui est en plus, c'est pour nous. C'est-à-dire, les Finlandais, ça a coûté 11 milliards ou 12 milliards, ils l'ont acheté 3 milliards, la différence, c'est les Français qui payent. Et donc, c'est scandaleux, c'est-à-dire, en plus de tout ce qui a été dit par M. Foltz et qui est juste, à part le fait que certaines choses sont un peu gommées, c'est le mensonge, si vous voulez, c'est le mensonge qui a régné sur toute cette période, sur cette vente, sur ces prétentions à la fois sur la qualité, sur le coût, etc. Et ce mensonge n'est jamais sanctionné. Vous n'avez personne qui a été sanctionné sur cette affaire. Et pour le futur, Bernard Laponche, il y a un projet qui s'appelle le PR2, ça va donner quoi ? Ben écoutez, donc EDF jusque-là, et jusque-là le gouvernement, continue à dire, c'est très important de continuer cette filière, l'orgueil de la France, enfin tous les mots, l'indépendance énergétique, enfin tout ce qu'on connaît de propagande exagérée, et un EPR2. Alors l'EPR2, ça serait l'EPR tel qu'il est là, tel qu'on le connaît, ou le méconnaît. Et ça serait de dire, quand même, il est cher. Hein. Donc, on va faire moins cher. On va faire moins cher. Et donc, on va simplifier. Et donc, il y a un risque, si vous voulez, actuellement, clairement, c'est que on nous prépare un EPR2 qui soit prétendument moins cher, mais on peut l'espérer quand même. Ce serait assez normal qu'il soit moins cher, mais avec une seule enceinte en béton au lieu de deux, alors qu'on nous avait dit que l'un des grands progrès de l'EPR, c'est d'avoir vraiment les deux enceintes de confinement. Un récupérateur de corium, dont on a parlé tout à l'heure, simplifié également. C'est-à-dire un truc plus simple et qui serait quand même aussi sûr et aussi bien. Alors moi, j'ai quand même quelques doutes sur cette affaire, d'autant plus que cette EPR2 aurait les mêmes défauts intrinsèques que cette série de réacteurs pour le 21e siècle, parce qu'on ferait un EPR2 dans les années 30, au mieux 30, entre 30 et 40, ça devrait durer 60 ans, donc ça veut dire le 21e siècle. Le 21e siècle, c'est aussi les changements climatiques. Or, un réacteur de ce type, les réacteurs actuels aussi, c'est très sensible aux augmentations de température, par exemple. Donc, on ne peut pas le mettre sur les fleuves. Aux inondations, donc le mettre au bord de la mer le rend sensible à la montée des eaux. À la température, les grands chauds, c'est très mauvais pour les diesels. Donc, il faut examiner l'opportunité de faire un truc plutôt plus simple, donc plutôt moins sûr, dans des conditions d'évolution climatique qui peuvent être assez dramatiques. Et enfin, le coût auquel ils arriveraient dans cette période, à peu près, on suppose 70 euros le mégawattheure, ça sera trois fois le prix de la production d'électricité par l'éolien ou le photovoltaïque. Et le monde entier actuellement, même des pays comme la Chine ou l'Inde dont on dit ils sont intéressés par le nucléaire, certes, mais ils développent, je dirais peut-être 10 fois plus, en Chine par exemple, l'éolien et le photovoltaïque. Un, parce que c'est quand même, sur le plan de la sûreté et de l'environnement, quand même plus simple et plus tranquille que le nucléaire. Et d'autre part, c'est trois fois moins cher. Dernière question, Bernard Laponche. Le prix de ce kilowattheure qui serait plus cher pour les centrales nucléaires futures aujourd'hui, si on intègre dans le prix du kilowattheure le prix du démantèlement ou le prix nécessaire de la réfection des centrales, qu'est-ce que ça donne ? Pour les centrales existantes ? Alors, c'est la Cour des comptes qui nous permet de donner un chiffre, qui est probablement c'est 60 euros le mégawattheure, avec des incertitudes, ce que vous dites, sur le démantèlement, qui est sous-estimé, par EDF, et sur la gestion des déchets. Mais je dirais le chiffre un peu officiel, c'est 60 euros par mégawattheure. Et le kilowattheure vert, si j'ose dire ? Ben actuellement, il est à peu près à ce niveau-là, mais il baisse considérablement, alors que l'autre augmente. Merci beaucoup, Bernard Laponche. On va se revoir bientôt, donc, avec le PR2. Non, avant, d'ailleurs, pour le PR1. Il y a aussi le prolongement de la vie des centrales actuelles, qui est un gros problème. Voilà. Donc, il faut qu'on se voit à intervalles réguliers. Je rappelle que vous êtes polytechnicien et physicien nucléaire, ainsi qu'animateur de l'association Global Chance. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâchée par Théo Gomard à la technique et complètement ruinée par David Jakubowiaz à la réalisation. Superfell.